بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 126 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, le اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Donc on continue à partir de l'endroit où on s'était arrêté, c'était un peu avant le Ramadan. Donc juste pour revenir un peu en arrière par rapport à ce qu'on expliquait, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a mentionné, il mentionnait quelques points par rapport à la science. Ok, c'est ça. Donc, il expliquait, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il expliquait, il dit, وَسَبَبُ هَذَا الْفَضْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَخْتَصُوا بِهِ فِي عُقُولِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ وَذَلِكَ أَنَّ الْفَضْلَ إِمَّا بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَإِمَّا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ. Donc, il expliquait que le mérite et l'excellence étaient soit par rapport à une science bénéfique, ou soit à des œuvres, des bonnes œuvres. Et là, il a expliqué en ce qui concerne la science bénéfique. Et on a donné des exemples de ça, par rapport à la science que possédaient les Sahaba, hein, qui étaient, bien entendu, au début, la plupart, en grande majorité, des Arabes. Puis, il explique maintenant en ce qui concerne les bonnes œuvres. Et il dit, وَأَمَّا الْعَمَلْ فَإِنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْأَخْلَاقِ وَهِيَ الْغَرَائِزِ الْمَخْلُوقَةِ فِي النَّفْسِ وَغَرَائِزُهُمْ أَطْوَعُ لِلْخَيْرِ مِنْ غَيْرِهِمْ فَهُمْ أَقْرَبُ لِلسَّخَاءِ وَالْحِلْمِ وَالشُّجَاعَةِ وَالْوَفَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْمَحْمُودَةِ لَكِنْ كَانُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ طَبِيعَةً قَابِلَةً لِلْخَيْرِ مُعَطَّلَةً عَنْ فِعْلِهِ ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبي ولا هم أيضا مشتغلون ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوهما وإنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي جعل الله في الأرض ولا الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل منه أعظم قدرا وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها فلما تلقوا عنه هذا الهدي العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدي الله الذي أنزل على عبده ورسوله وأخذوا هذا الهدي العظيم بتلك الفطرة الجيدة فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها لكن هي معطلة عن الحرث أو قد نبت فيها شجر العضاه والعوسج وصارت مأواه الخنازير والسباع فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب ازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها الحرف ما لم يوصف مثله فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne les bonnes œuvres, hein, et bien ça c'est basé sur leur comportement et c'est une chose qui faisait partie de leur nature et de leur tempérament qui était créé en eux-mêmes. Donc leur tempérament, c'est-à-dire le tempérament des Arabes parmi yani ceux qui ont reçu le message à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien leur tempérament était plus en accord avec le bien que les autres et ils étaient plus proches de la générosité, de la patience, du fait d'être posé, d'être courageux et de respecter les engagements, et d'autres également parmi les comportements qui sont louables. Il dit mais par contre c'est parce qu'ils avaient, il dit déjà à l'avance, avant l'islam, ils avaient une nature qui acceptait le bien, mais elle était, disons, elle était inactive ou bien inutilisée. C'est comme si elle avait été, elle n'était pas utilisée, cette nature-là. Elle n'était pas active. Et donc, c'est comme si elle ne mettait pas en pratique, hein, puisque, yani, elle était apte ou elle était, disons, prête à accepter le bien, mais elle n'était pas en action, elle n'était pas activée, cette nature-là, en eux. Et ils n'avaient pas non plus une science révélée pour leur permettre, justement, de faire, hein, de mettre en pratique quoi que ce soit de la guidance, puisqu'ils n'avaient pas reçu une sharia d'un prophète précédente, n'avait pas hérité de la législation d'un prophète précédent, et ils n'avaient pas non plus l'habitude de s'occuper de différentes sciences rationnelles, hein, de sciences pures comme la médecine, le calcul et d'autres sciences de ce genre. Hein, les seules choses qu'ils avaient comme connaissance ou comme science à leur époque, c'était ce que leur permettait leur tempérament et leur environnement, la poésie, l'expression, la façon de s'exprimer, hein, le fait de faire des exposés, de faire des discours, et tout ce qu'ils avaient également mémorisé comme généalogie et comme histoire de leurs ancêtres, et tout ce qu'ils avaient besoin, tout ce dont ils avaient besoin dans leur vie d'ici-bas pour s'orienter et se guider par rapport aux étoiles, hein, ou bien les connaissances qu'ils avaient en ce qui concerne la guerre et des choses de ce genre. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux Arabes au début, hein, avec la guidance, hein, et cette guidance qu'il a donnée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas donné une portion ou une part plus grande de guidance à l'humanité sur la terre que ce qu'il a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et yani, ils l'ont accepté de sa part. C'est-à-dire, ils ont accepté cette guidance, c'est-à-dire les Arabes de son époque, ils ont accepté cette guidance après avoir fait une lutte sévère, hein, une grande lutte contre, hein, cette guidance-là. Et ils ont été, ils ont remédié et résolu à beaucoup de leurs habitudes d'ignorance qu'ils avaient, et toutes sortes de ténèbres, de mécréances dans lesquelles ils se trouvaient. Et donc, ces différentes formes de mécréances, ces traditions et ces coutumes d'ignorance, les avaient détournés de leur nature propre. Et lorsqu'ils ont rencontré et accepté cette grande guidance de la part d'Allah, eh bien, toute la rouille qu'ils avaient sur le cœur, hein, eh bien, tout ça s'est enlevé avec la lumière de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé sur son serviteur et son messager. Et ils ont pris donc cette immense guidance de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec cette bonne nature qu'ils possédaient déjà à la base. Et tout ça s'est réuni ensemble pour eux avec la perfection qu'ils possédaient déjà dans la force, hein, qu'ils avaient en eux, et la perfection de ce que Allah leur a révélé, hein, c'est quelque chose qui est donc comparable à une terre qui n'est pas utilisée pour l'agriculture, mais qui est bonne en soi. C'est comme une terre abandonnée qui est bonne en soi, mais qui n'a pas été utilisée pour l'agriculture, ou sur laquelle toutes sortes de mauvaises herbes, hein, ont commencé à pousser. Donc les porcs ou les sangliers, les animaux sauvages et les bêtes sauvages se sont réunis à cet endroit-là parce que la bonne terre qui est là à la base, elle n'a pas été utilisée. Et une fois que cette terre est purifiée et nettoyée de toutes ces mauvaises herbes et de toutes ces bêtes sauvages, eh bien, on voit à ce moment-là, apparaître des nouvelles pousses et faire pousser toutes sortes de bons fruits et de choses bénéfiques. Et on a vu apparaître une fois à ce moment-là, eh bien, un champ tel qu'on n'en avait jamais vu auparavant, hein, et dont il n'y avait rien de comparable. Et donc, les premiers parmi les croyants, parmi les muhajirines et les ansars, sont donc les meilleures créatures d'Allah après les prophètes, et ils sont devenus donc les meilleurs hommes, ainsi que ceux qui les ont suivis de la meilleure manière par la suite, hein, jusqu'au jour de la résurrection, parmi les Arabes et les non-Arabes. Et le cheikh, il explique ici ensuite, cheikh Al-Fawzan, le commentaire de ce passage qu'on vient de lire. Et il dit, قوله أما العمل فإنما ابنه على الأخلاق وهي الغرائز الذي يعني الذي حمل وبلغ وبلغ هذا الدين وجاهد في سبيله هم العرب حتى نشروه في المشارق والمغارب فهم آمنوا به بصدق وحملوه وبلغوه بقوة ثم من الذين علم الأعاجم وكون منهم الأئمة الكبار والفحول في الحفظ والعلم ثم من الذي علم الأعاجم وكون منهم الأئمة الكبار والفحول في الحفظ والعلم إنهم الأساتذة العرب فإن العجم تتلمذ على يدهم فهذا يدل على سبق العرب على سبق العرب ومكانتهم. Donc le cheikh, il explique, il dit que en ce qui concerne les bonnes œuvres, tout ça c'est basé sur les comportements qui sont à la base, hein, les tempéraments, les personnalités, hein, les comportements, tout ça. Et donc il dit, celui qui a porté la religion et qui l'a transmis et qui a lutté dans le sentier, hein, de cette religion pour la transmettre, ce sont en premier les Arabes. Ce sont eux qui l'ont propagé partout à l'est et à l'ouest, et qui ont cru en cette religion avec sincérité et qui l'ont porté et qui l'ont transmis avec force. Puis, qui sont ceux qui ont enseigné, hein, qui a enseigné aux non-arabes pour faire d'eux des grands imams, hein, et des étalons dans la science, dans la mémorisation, eh bien, ce sont les professeurs arabes, ceux qui ont enseigné aux non-arabes et qui ont fait sortir des élèves par leur enseignement, qui sont devenus par la suite des guides et des imams dans la science, ce qui indique la précédence et le statut des Arabes dans cette religion, dans cette science. Ensuite, le cheikh, il explique et il dit « Wa qawluhu walakin kanu qabla l'islam tabi'atan qabilatan lil khayri mu'attalatan an fi'lihi » يعني قد يسأل فيقال بماذا أن العرب بما أن العرب هذه هي مكانتهم وفضلهم على غيرهم فلماذا كانوا في الجاهلية مسبوقون مستذلون فلماذا كانوا في الجاهلية مسبوقين مستذلين من قبل الأمم الأخرى كفارس والروم والجواب عن هذا أن العرب عندهم أصل النهضة ولكن لم يكن عندهم مقومات تساعدهم على النهوض كما هي عند الأمم الأخرى فلما جاء الإسلام ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن بلغتهم ونهلوا من معينه استكمل الفضل فيهم ففاقوا الأمم ولذلك ظهروا على فارس والروم وفتحوا المشارق والمغارب مما يدل على أنهم مؤهلين لحمل هذه الرسالة ولأنهم كانوا أساتذة لهذا العالم وفاقوا غيرهم وأبدعوا في إنتاجهم حتى صاروا مرجعا وهذا شيء معروف ومعلوم كما هو الحال في الطب وفي الحساب وفي غيره من العلوم فقد صار منهم أئمة في سائر العلوم الدينية والدنيوية. Donc le cheikh, il dit, on pourrait poser la question, parce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, et lorsqu'ils étaient avant l'islam sur une bonne nature qui acceptait le bien, sauf qu'elle était inutilisée, c'est comme si elle était abandonnée, cette nature de faire le bien. Et il dit, le cheikh, on pourrait poser la question, pourquoi les Arabes, alors qu'on connaît leur statut et leur mérite, pourquoi, par rapport à ça, dans ce cas-là, dans la djahiliya, pourquoi ils étaient précédés et humiliés par d'autres nations et d'autres peuples, comme les Perses et les Romains? Et la réponse à ça, le cheikh il dit, c'est que les Arabes, ils avaient en eux le fondement ou la base qui est nécessaire pour pour évoluer, pour avancer dans les différents domaines et dans les différentes sciences. Toutefois, il leur manquait certaines bases, certains principes pour être capables justement pour les aider à avancer, pour les aider à cette renaissance qu'ils devaient subir. Et c'est grâce à justement la venue de ce prophète parmi eux et la descente et la révélation du Coran dans leur langue qui les a justement poussés et aidés et qui a fait en sorte que soit complété chez eux l'excellence et le mérite par lequel ils ont pu dépasser les autres nations et les autres peuples et avoir le dessus par la suite sur les Perses et les Romains. Et ils ont par cela conquis l'Est et l'Ouest. ce qui indique qu'ils étaient aptes, ils avaient les aptitudes nécessaires pour porter ce message. Et ils ont été justement les professeurs de ce monde. Et ils ont devancé, et ils ont été devant, ils ont devancé et ils ont été au-dessus des autres dans leur créativité, dans leur production. Et ils sont devenus les références, hein, dans beaucoup de sciences. Et ça, c'est connu. Et comme c'était le cas également dans la médecine, dans le calcul, hein, dans les, et dans différentes autres sciences par la suite, jusqu'à ce qu'ils deviennent des guides, des références, des imams dans différentes sciences, dans les différentes sciences de la dunya et dans les sciences religieuses. وقوله فلما بعث الله محمدا بالهدي الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل منه أعظم قدرا المقصود أن الله لما بعث رسوله بالهدى ودين الحق وجد صعوبة ومشقة في نقلهم من حالة الوثنية إلى عبادة الله وحده ونقلهم من جاهليتهم إلى العلم ونقلهم مما كانوا عليه من العادات السيئة إلى الأخلاق الكريمة لكن النبي صلى الله عليه وسلم واجه ذلك بالصبر والثبات على الدعوة حتى يسر له الله سبحانه وتعالى أتباعا وأنصارا قال الله سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود متى حصل هذا؟ حصل بعد التربية والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل يعني هذه صفتهم في التوراة التي أنزلها الله على موسى وصفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهم الصلاة والسلام كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعني مثل الزرع أول ما يخرج قصبة واحدة ثم هذه القصبة تخرج أفراخا من حولها ضعيفة ثم تشتد هذه الفراخ وتآزر الأصل وتآزر تآزر الأصل وتقويه ثم بعد ذلك تتكون السنابل والثمرة وهكذا هذه الأمة نشأت شيئا فشيئا حتى تم أمرها وأينعت ثمارها فهذا مثل ضربه الله للعرب الذين آمنوا به واتبعوا نبيه كانوا في الأول كالبذرة في التراب ثم سقيت بماء الوحي ونور العلم نبتت وتكون منها فراخ أو فراخ تكون منها فراخها وازدادت حتى قويت واشتدت أعوادها ثم أنتجت وأثمرت العلم النافع والعمل الصالح. Donc ici le cheikh explique que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il est venu avec la guidance et la religion de vérité. Il a trouvé une difficulté au début de les faire passer de l'état d'idolâtrie vers l'adoration d'Allah seul, et de les faire passer de leur ignorance vers la science, et de les faire passer de ce qu'ils avaient comme coutume mauvaise et mauvais comportement vers les bons comportements nobles de l'islam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affronté cela avec patience et il est resté ferme dans la da'wah, dans l'invitation à la vérité, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite certains fidèles et certains supporters. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 29 dans Surat Al-Fath, lorsqu'il dit Muhammad, il dit ce qui signifie Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les kuffars et miséricordieux entre eux. Tu les vois se prosternant, s'inclinant, hein, s'inclinant, se prosternant, recherchant d'Allah grâce et agrément. Tu vois sur leur front, hein, un signe sur leur front qui est de la trace de la prosternation. Et il dit le cheikh, quand est-ce que cela s'est produit? Cela s'est produit après l'éducation, après l'enseignement, après avoir invité à Allah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, ceci est leur exemple dans la Torah et leur exemple dans l'Injil, dans l'Évangile. Il dit, c'est-à-dire que leur description dans la Torah est telle que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélée à Moussa. Et leur description dans l'Évangile est telle que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélée à Isa alayhi salam. Et il dit, كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Il dit le cheikh, c'est-à-dire que c'est comme l'exemple d'une pousse, hein, lorsqu'une graine commence à germer, comme quand elle commence à pousser, sa pousse qui commence à sortir de la terre, elle sort comme une seule tige, hein. Puis ensuite elle commence à avoir des bourgeons, hein, différentes branches qui commencent à sortir, et également elle jette autour d'elle d'autres bourgeons qui poussent avec elle, d'autres tiges qui poussent avec elle, et qui la raffermit, qui épaissit, hein, son entourage, et qu'il raffermit cette tige autour d'elle. Parce que au début, quand elle sort, elle est faible. Puis, avec toutes les différentes pousses qui sont autour et qui commencent à pousser aussi en même temps, eh bien, elle s'épaissit et elle se raffermit et elle devient plus forte. Et ensuite, quand elle est devenue plus grande, elle commence à produire des épis et des fruits. Et ça, c'est l'exemple de cette Ummah. C'est l'exemple de cette nation qui s'est bâtie, hein, et qui a grandi petit à petit, hein, puis elle a produit les fruits qu'on a vus, hein. Et c'est un exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a donné pour donner l'exemple des Arabes qui ont cru en l'islam et qui ont cru, hein, en cette religion et qui ont suivi son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient au début comme une graine qu'on a poussée dans la terre. Puis on l'a arrosée avec l'eau de la révélation et la lumière de la science, et elle a commencé à pousser. Puis elle a eu d'autres pousses autour d'elle qui ont commencé à éclore et qui ont commencé à grandir et qui se sont raffermies et qui se sont, hein, endurcies sur leurs tiges et sur leur tronc par la suite, et qui ont produit de nombreux fruits, hein, et de la science bénéfique et des bonnes œuvres. Il dit wa qawluhu bi manzilati ardin jayyidatin fi nafsiha lakin hiya mu'attalatun, ay hadhihi sifatu al-arab qabla al-islam كانوا في الجاهلية كأرض جيدة كالأرض الجيدة المعطلة فلما جاءت الرسالة بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنبتت وآتت هذه الأرض أكلها. فالحاصل أن صفة العرب في الجاهلية كان أنهم كانوا كالأرض الطيبة المعطلة لا تنبت شجرا ولا تؤتي ثمرا بل تنبت شوكا وتأوي حيوانات لا خير فيها فلما جاء الله بهذا النور أزال ما في هذه الأرض من الأذى وطهرها وسقاها بماء الوحي فأنبتت هؤلاء الرجال الأفذاذ الأقوياء وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فتكامل فضل العرب وبما ونما وأثمر ونما وأثمر بالإسلام ولو بقوا على جاهليتهم لبقوا في جاهلية وذل فلا عز للعرب إلا بالإسلام أما مجرد العروبة فإنها لا تكفي فالعروبة ما نفعت أهل الجاهلية وإنما لما اجتمع الأمران العروبة الأصيلة والإسلام الصحيح حينئذ حصل الخير الكثير للبشرية ولهذا قال الله عن هذه الأمة حينما ارتضت دين الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أما إذا ضيع العرب الإسلام وعادوا إلى جاهليتهم كان الذل والمهانة مصيرهم كما قال عمر رضي الله عنه نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. Donc le cheikh explique que c'était comme les Arabes étaient comme une terre qui était bonne en elle-même mais qui était inutilisée et donc il dit les Arabes c'était ça leur exemple avant l'islam. Ils étaient dans la jahiliya, dans l'ignorance. Lorsqu'ils étaient dans l'ignorance, ils étaient comme une terre qui est en elle-même bonne, mais inutilisée, abandonnée. Puis lorsque le message lui est venu, lorsque le message est venu aux Arabes, et que Allah a fait venir parmi eux le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, cette terre a commencé à faire produire ses fruits. Et donc, le résumé de ça, c'est que parmi les descriptions des Arabes dans la Jahiliya, comme il mentionne ici dans cet exemple, que c'était comme une bonne terre inutilisée. Et donc, elle ne faisait pousser aucun arbre. Et elle ne produisait aucun fruit. Mais elle produisait des arbres, ou bien plutôt des épines, et des mauvaises herbes et des branches. Des choses qui sont plus nuisibles que bonnes. Et elle servait d'abri pour les animaux. Donc il n'y avait rien de bon qui sortait de cette terre. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre cette lumière sur cette terre, eh bien tout ce qu'il y avait comme nuisance s'en est allé. Et elle a été purifiée par l'eau de la révélation. Et donc, on a vu qu'elle a produit et qu'elle a fait pousser des hommes forts, des hommes modèles. Et ce sont les premiers qui ont précédé parmi les muhajirines et les ansar. Les muhajirines et les ansar, c'est-à-dire les sahaba, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Et donc, le mérite des Arabes s'est complété. Et on a vu croître, on a vu croître et produire des fruits à cause de la venue de cette religion et de l'islam. Mais s'ils avaient été, s'ils étaient restés dans leur ignorance et dans la jahiliya, eh bien ils seraient restés dans leur ignorance et dans leur humiliation. Parce qu'il ne peut y avoir de puissance et de fierté pour les Arabes, excepté par l'islam. Excepté par l'islam. Et le cheikh il dit, mais si c'est, hein, si c'était uniquement leur arabité, de prendre en considération le fait qu'ils sont des Arabes, hein, à lui seul, il dit ça, ce n'est pas suffisant. C'est pas le simple fait qu'ils soient des Arabes qui peut faire d'eux ce qu'ils sont devenus. Hein? Il dit, l'arabité ne peut pas, n'a pas pu profiter les gens de la Jahiliya. C'est-à-dire avant l'islam. Les Arabes, qu'est-ce qu'ils avaient? Hein? Sans l'islam, qu'est-ce qu'ils ont pu produire? Rien. Hein? Est-ce qu'ils avaient un poids dans la civilisation et dans l'humanité? Avant l'islam, les Arabes, ils avaient une fierté quelconque? Est-ce qu'ils ont produit quelque chose? Est-ce qu'ils ont produit des grands hommes? On n'a pas vu ça. Et le cheikh, il dit, mais lorsque les deux sont réunis ensemble, la base, hein, de l'arabité originelle et l'islam authentique sont réunis ensemble, et c'est là qu'on a vu produire du bien, un grand bien pour l'humanité. Hein? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, dans surat Al-Imran, le verset 110, hein, pour expliquer que lorsque cette umma a agréé la religion d'Allah, il dit, vous êtes la meilleure des nations qui est sortie pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 104 dans surat Al-Imran, et qu'il y ait de par vous-même, hein, ou parmi vous-même, une nation qui invite au bien, qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Mais lorsque les Arabes ont abandonné ou délaissé l'islam et qu'ils sont revenus à leur ignorance, eh bien, ils ont connu encore une fois l'humiliation. Hein? L'humiliation et le rabaissement. Et c'est ça leur conséquence. Et c'est ça leur conclusion. Et le cheikh, il dit, et c'est ainsi que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a dit une parole qui est très célèbre et qui est en même temps très vraie. Hein? Il dit, nous sommes une nation que Allah a rendue fière et puissante par l'islam. Et lorsque nous avons, hein, il dit, si jamais nous cherchons la puissance et la fierté en autre chose que l'islam, eh bien à ce moment-là, Allah nous a humiliés et nous a rabaissés. Donc il dit, qawluhu. Le cheikh il continue, il dit, qawluhu, sara afdal al-nas ba'dahum. من تبعهم بإحسان يعني الذين جاءوا بعد الصحابة وهم التابعون لهم كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي عمران بن حسين رضي الله عنه لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة والشاهد من هذا أن خير القرون في الغالب من العرب أو هم الأصل في ذلك وغيرهم تابع لهم قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والمهاجرين والأنصار من العرب المهاجرون من أهل مكة والأنصار من أهل المدينة والمهاجرون في الغالب من قريش من العدنانية والأنصار من الأوس والخزرج القبيلة القحطانية والمهاجرون من القبيلة العدنانية فهم من صميم العرب فالعرب ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان يعني كل من تبعهم من العرب وغيرهم فيدخل فيهم العجم فالتابعون لهم هم من العرب والعجم. Donc le cheikh il dit, donc ils sont donc devenus les meilleurs hommes, hein, et après eux ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, c'est-à-dire que les sahaba sont venus et ceux qui sont venus après les sahaba ce sont les tabi'oun, hein, les tabi'oun, ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith, la meilleure génération c'est ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Et il dit, le narrateur de ce hadith, Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, il dit, je ne sais pas si le messager sallallahu alayhi wa sallam a mentionné après sa génération deux générations ou trois. Donc c'est soit deux ou trois, hein, générations après celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la génération des sahaba. Puis celle qui vient ensuite, la génération des tabi'in, puis celle qui vient ensuite, la génération des tabi'in. Hein? Il dit, je ne sais pas si il a mentionné deux ou trois, c'est-à-dire s'il y en a une troisième, alors c'est celle qui suit. Mais il dit, qu'est-ce qui est important ici? C'est de comprendre que les générations dont on parle, hein, les meilleures générations dont on parle ici dans le hadith, sont en grande majorité des Arabes. Et ce sont eux qui, ou bien ce sont eux qui sont à la base, tandis que les autres sont ceux qui les ont suivis. Et il n'y a aucun tort ou aucun mal à ce que ceux qui nous aient précédés dans le bien et dans la foi soient des Arabes, excepté chez ceux qui ont une maladie dans leur cœur. Et cette maladie, c'est la maladie du nationalisme, du chauvinisme, hein, de ceux qui ont un tort ou un problème à accepter la réalité et la vérité, hein, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il les a guidés avant les autres. Et ça, c'est un mérite que Allah a donné, comme il dit, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. C'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Donc on ne peut pas disputer la grâce d'Allah. Hein? On ne peut pas disputer ou refuser la grâce que Allah donne et à qui il la donne. De la même manière que l'Yahoud, l'attitude des Juifs, hein, qui refusent la vérité parce qu'ils ne l'ont pas reçue en premier ou bien qu'elle a été donnée à quelqu'un d'autre que quelqu'un de leur peuple. Donc ils disent, nous on est, hein, le peuple élu, le peuple choisi, et si Allah donne la guidance à un autre peuple, on ne l'accepte pas. On accepte seulement la guidance si ça vient de notre peuple. Eh bien ça c'est l'exemple de certains parmi les musulmans qui disent, oh mais nous on accepte, hein, l'islam, mais on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord que les Arabes soient les premiers qui aient été guidés. Et qui ont été ceux qui ont donné à l'humanité le message de l'islam. Subhanallah. Donc, qu'est-ce qui cause ça? Ou qu'est-ce qui a mis ça dans leur cœur? C'est le shaitan. Hein? C'est le shaitan qui met l'animosité dans le cœur des hommes et la jalousie dans le cœur des hommes et qui les pousse même à aller jusqu'à vouloir rejeter la vérité parce que ça vient de quelqu'un d'autre ou ça vient de notre peuple. Et ça c'est de l'égarement total. Et il y en a parmi les musulmans comme ça qui ont cette attitude là dans différents peuples, que ce soit parmi les gens de l'Afrique ou les gens de l'Asie ou les gens par exemple de les différentes régions dans le monde, de l'Europe ou ailleurs. Ils disent, nous on n'est pas des Arabes et on a rien à savoir des Arabes. Les Arabes en fait il y en a qui ont même la haine des Arabes parmi ces gens-là, et donc ils rejettent la langue arabe, ils rejettent les Arabes de façon générale, hein, et tout ça c'est basé sur de l'ignorance, jahl, hein. Et bien entendu nous on n'a pas le droit d'avoir cette attitude-là et cette position-là, et on a déjà mentionné les preuves à ce sujet-là, hein. Donc, le cheikh, il explique et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 100 dans Surat At-Tawbah que les gens qui ont été les premiers à croire parmi les muhajirin et les ansar ont précédé les autres dans la foi. Il dit la plupart, le cheikh dit la plupart d'entre eux parmi les muhajirin et les ansar, ce sont des arabes. Parce que les muhajiroun, ce sont les habitants de la Mecque qui ont cru en l'islam. Et Al-Ansar, ce sont les habitants de Médine qui ont cru en l'islam. Et en grande majorité, les Muhajiroun sont de la tribu de Quraysh. Et donc, ils sont de Adnan, la tribu Al-Adnaniya, hein, qui est une des deux bases des Arabes. Parce que les Arabes sont à la base soit de Adnan ou de Qahtan. Hein. Et il dit ensuite, le cheikh, donc, que Al-Ansar, eux, sont les deux tribus, Al-Aws ou Al-Khazraj, et ils sont des tribus de Qahtan. Ils viennent de Qahtan. Donc, peu importe que tu parles des Muhajirin ou des Ansar, à la base, tu parles des Arabes. Hein? Donc, Al-Adnan, Al-Adnaniya, les tribus des Muhajirun qui sont d'Adnan, ils sont, hein, à la base de la source arabe, et la même chose pour Al-Ansar à la base, qu'ils sont des Arabes aussi. Et c'est pour ça que ensuite Allah il dit, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, de la façon la plus parfaite, hein, et c'est-à-dire tous ceux qui sont venus après, qu'ils soient arabes ou non, ils entrent, hein, dans cette description et dans ce mérite de ceux que Allah a agréé, hein, et qu'ils soient arabes ou non arabes. Donc ceux qui ont suivi les tabi'oun, donc sont parmi ceux qui ont les tabi'oun, ceux qui ont suivi les sahaba et qui ont pris leur exemple et qui ont suivi leur voie, ceux-là sont soit parmi les arabes ou les non arabes, et ils ont ce mérite là aussi, hein. Donc ça c'est un point important. Donc je pense que nous, pour ce qui est du cours d'aujourd'hui, on va se limiter à ce point, puis on continuera la suite au prochain cours, inshallah. Bismillah, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.